Docteur en ligne et vous aussi réagissez au 3216. RMC. Brigitte Lahaye. Lahaye, l'amour et vous. Walks into the room. Feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Eh bien, si vous nous avez suivis toute la semaine, vous pourrez dire que vous savez tout sur le sperme et les spermatozoïdes. Alors la dernière question qu'on se pose, et nous sommes avec le docteur David Elia en ligne. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes médecin gynécologue. Alors oui, la dernière question est pas la moindre. Combien de temps vivent les spermatozoïdes lorsqu'ils sont partis en chasse, hein? Oui. Alors il faut, ils vivent pas grand chose. Hein. Dans le vagin, c'est pas du tout hospitalier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. À partir la nature moment... est mal faite alors. Non, vous allez voir, c'est très bien fait au contraire. Ah. Au contraire. Dès que l'éjaculation a lieu, donc il y a, j'imagine que vous l'avez dit cette semaine, des centaines de millions de spermatozoïdes qui sont là projetés contre quoi ? Contre le col de l'utérus, le col de l'utérus qui émerge dans le vagin. Alors le vagin, c'est très très acide pour eux, et c'est extraordinairement inconfortable. Donc ils se dépêchent de se tirer. Voilà, donc il y a une issue, une lacune. C'est l'orifice du col, et si tout est bien fait, il y a dans cet orifice un immense lac de plaisir et je dirais de tranquillité qui s'appelle la glaire ovulatoire. C'est une substance visqueuse, un peu comme du blanc d'œuf que certaines femmes d'ailleurs notent tous les mois au moment de l'ovulation, à moitié cycle. Et là, cette glaire, elle est merveilleuse. Elle est alcaline. C'est un bain de jouvence. Et dès qu'ils rentrent dans cette glaire, dès qu'ils se sont précipités dans cette glaire, c'est fini, ils sont à l'abri. Alors cette glaire va leur permettre de pénétrer dans l'utérus, puisque c'est une sorte d'autobus de luxe, si on peut dire, qui va les faire pénétrer dans l'utérus, où cette fois-ci, tout va bien, on est beaucoup moins acide, et on est dans un milieu beaucoup plus tempéré pour les spermatozoïdes. Donc, ils vont vivre très peu de temps, et s'il n'y a pas de glaire qui les attend pour les transbahuter à l'intérieur de l'utérus, eh bien, ils vont mourir sur place illico. D'accord. Donc, à partir du moment où... parce que je crois que la question que se posent souvent les femmes, oui, c'est entre le moment où il y a une éjaculation et le moment où il peut y avoir une ovulation, quel est le temps Mais il n'y a pas de temps. Parce que soit il n'y a pas de glaire, et c'est pas la peine de se précipiter sur le bidet ou autre avec des ablutions plus ou moins énergiques, parce que de toute façon, ils vont mourir dans les minutes qui suivent, soit il y a une glaire et c'est instantané. Ils ont été pris en charge. Vous savez, c'est un peu comme les mouches sur le papier collant. Ils ont été donc pris en charge. Donc c'est trop tard, ça y est. Et voilà, c'est pas la peine de se précipiter, on se calme et on pense à la pilule du lendemain si on veut pas de bébé. Voilà, bon, c'est clair, hein, comme ça au moins. Voilà. Il n'y a pas de doute. Merci David Elia de ces précisions. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Et